Chapitre 39 des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1, Chapitre 39, Considérations sur Cicéro. Encore un trait à la comparaison de ces couples. Il se tire des écrits de Cicéro et de ce Pline, peu retirant à mon avis aux humeurs de son oncle, infini témoignage de nature outre mesure ambitieuse. Entre autres, qu'il sollicite, au-dessus de tout le monde, les historiens de leur temps de ne les oublier en leur registre. Et la fortune, comme par dépit, a fait durer jusque à nous la vanité de ses requêtes, et Piessa a fait perdre ses histoires. Mais ceci surpasse toute bassesse de cœur, en personne de tel rang, d'avoir voulu tirer quelque principale gloire du caquet et de la parlerie, jusque à y employer les lettres privées écrites à leurs amis, en manière que, aucune ayant failli leur saison pour être envoyée, ils les font ce néanmoins publier avec cette digne excuse qu'ils n'ont pas voulu perdre leur travail éveillé. S'y est-il pas bien à deux consuls romains, souverain magistrat de la chose publique, empérière du monde, d'employer leur loisir à ordonner et fagoter gentiment une belle missive, pour en tirer la réputation de bien entendre le langage de leur nourrice? Que ferait Pise un maître d'école qui en gagna sa vie? Si les gestes de Xénophon et de César n'eussent de bien loin surpassé leur éloquence, je ne crois pas qu'ils les eussent jamais écrits. Ils ont cherché à recommander, non leur dire, mais leur faire. Et si la perfection du bien parler pouvait apporter quelque gloire sortable à un grand personnage, certainement Scipion et Lélius n'eussent pas résigné l'honneur de leur comédie et toutes les mignardises et délices du langage latin à un cerf africain. Car que cet ouvrage soit leur, sa beauté et son excellence le maintient assez, et Terence l'avoue lui-même. Et me ferait-on des plaisirs de me déloger de cette créance? C'est une espèce de moquerie et d'injure de vouloir faire valoir un homme par des qualités mésavenantes à son rang, quoiqu'elles soient autrement louables, et par les qualités aussi qui ne doivent pas être les siennes principales, comme qui louerait un roi d'être bon peintre ou bon architecte, ou encore bon arquebusier ou bon coureur de bagues. Ces louanges ne font honneur si elles ne sont présentées en foule et à la suite de celles qui lui sont propres, à savoir de la justice et de la science de conduire son peuple en paix et en guerre. De cette façon, fait honneur à Cyrus l'agriculture et à Charlemagne l'éloquence et connaissance des bonnes lettres. J'ai vu de mon temps, en plus fort terme, des personnages qui tiraient d'écrire et leurs titres et leurs vocations désavouer leur apprentissage, corrompre leurs plumes et affecter l'ignorance de qualités si vulgaires et que notre peuple tient ne se rencontrer guère en main savante, se recommandant par meilleure qualité. Les compagnons de Démosthène, en l'ambassade vers Philippus, louaient ce prince d'être beau, éloquent et bon buveur. Démosthène disait que c'était louange qui appartenait mieux à une femme, à une éponge, qu'à un roi. Imperet bellante prior jacentem lenis inostem. Ce n'est pas sa profession de savoir ou bien chasser ou bien danser. Orabunt causas alii, quelique meatus describent radio, et fulgentia sidera dicent, hic regere imperio populos sciat. Plutarque dit davantage que de paraître si excellente en ses parties moins nécessaires, c'est produire contre soi le témoignage d'avoir mal dispensé son loisir, et l'étude qui devait être employée à choses plus nécessaires et utiles. De façon que Philippus, roi de Macédoine, ayant ouï ce grand Alexandre son fils chanter en un festin à l'envi des meilleurs musiciens, « N'as-tu pas honte, lui dit-il, de chanter si bien ?» Et à ce même Philippus, un musicien contre lequel il débattait de son art, « J'a à Dieu ne plaise, sire, dit-il, qu'il t'advienne jamais tant de mal que tu entendes ces choses-là mieux que moi. » Un roi doit pouvoir répondre comme Iphicrate répondit à l'orateur qui le pressait, en son invective, de cette manière. « Eh bien, qu'es-tu pour faire tant le brave? Es-tu homme d'armes? Es-tu archer? Es-tu piquier? Je ne suis rien de tout cela, mais je suis celui qui sait commander à tout cela. et Antisthène, pris pour argument de peu de valeur en Isménias, de quoi on le vantait d'être excellent joueur de flûte. Je sais bien, quand jouit quelqu'un qui s'arrête au langage des essais, que j'aimerais mieux qu'il s'en tût. Ce n'est pas tant élever les mots comme déprimer le sens, d'autant plus piquamment que plus obliquement. Si suis-je trompé, si guère d'autres donnent plus à prendre en la matière. Et comment que ce soit, mal ou bien, si nul écrivain l'a semé ni guère plus matériel, ni au moins plus dru en son papier. Pour en ranger davantage, je n'en entasse que les têtes. Que j'y attache leur suite, je multiplierai plusieurs fois ce volume. Et combien y ai-je épandu d'histoires qui ne disent mot, lesquelles, qui voudra éplucher un peu plus curieusement, en produira infinis essais. Ni elles, ni mes allégations, ne servent pas toujours simplement d'exemple, d'autorité ou d'ornement. Je ne les regarde pas seulement par l'usage que j'en tire. Elles portent souvent, hors de mon propos, la semence d'une matière plus riche et plus hardie, et souvent, à gauche, un ton plus délicat, et pour moi qui n'en veux en ce lieu exprimer davantage, et pour ceux qui rencontreront mon air. Retournant à la vertu parlière, je ne trouve pas grand choix entre ne savoir dire que mal, ou ne savoir rien que bien dire. Non est ornamentum virile concinnitas. Les sages disent que pour le regard du savoir, il n'est que la philosophie, et pour le regard des effets, que la vertu, qui généralement soit propre à tout degré et à tous ordres. Il y a quelque chose de pareil en ces autres deux philosophes, car ils promettent aussi éternité aux lettres qu'ils écrivent à leurs amis, mais c'est d'autres façons, et s'accommodant pour une bonne fin à la vanité d'autrui, car ils leur mandent que si le soin de se faire connaître aux siècles à venir, et de la renommée, les arrête encore au maniement des affaires, et leur fait craindre la solitude et la retraite où ils les veulent appeler, qu'ils ne s'en donnent plus de peine, d'autant qu'ils ont assez de crédit avec la postérité, pour leur répondre que, quand ce ne serait que par les lettres qu'ils leur écrivent, ils rendront leur nom aussi connu et fameux que pourraient faire leurs actions publiques. Et outre cette différence, encore ne sont-ce pas lettres vides et décharnées, qui ne se soutiennent que par un délicat choix de mots entassés et rangés à une juste cadence, ins farcies et pleines de beaux discours de sapience, par lesquels on se rend, non plus éloquent, mais plus sage, et qui nous apprennent, non à bien dire, mais à bien faire. Fi de l'éloquence, qui nous laisse envie de soi, non des choses. Si ce n'est qu'on dise que celle de Cicéro, étant en si extrême perfection, se donne corps elle-même. J'ajouterai encore un conte que nous lisons de lui à ce propos, pour nous faire toucher au doigt son naturel. Il avait à orer en public, et était un peu pressé du temps pour se préparer à son aise. Eros, l'un de ses serfs, le vint avertir que l'audience était remise au lendemain. Il en fut si aise, qu'il lui donna liberté pour cette bonne nouvelle. Sur ce sujet de lettres, je veux dire ce mot, que c'est un ouvrage auquel mes amis tiennent que je puis quelque chose, et eusse pris plus volontiers cette forme à publier mes verves si j'eusse eu à qui parler. Il me fallait, comme je l'ai eu autrefois, un certain commerce qui m'attira, qui me soutint et souleva, car de négocier au vent comme d'autres, je ne saurais que de songe, ni forger des vains noms à entretenir en choses sérieuses, ennemi juré de toute espèce de falsification. J'eusse été plus attentif et plus sûr, ayant une adresse forte et amie, que regardant les divers visages d'un peuple, et suis déçu s'il ne m'en eût mieux succédé. J'ai naturellement un style comique et privé, mais c'est d'une forme mienne, inepte aux négociations publiques, comme en toute façon est mon langage, trop serré, désordonné, coupé, particulier, et ne m'entend pas en lettres cérémonieuses, qui n'ont autre substance que d'une belle enfilure de paroles courtoises. Je n'ai ni la faculté, ni le goût de ces longues offres d'affection et de service. Je n'en crois pas tant, et me déplais d'en dire guère outre ce que j'en crois. C'est bien loin de l'usage présent, car il ne fut jamais si abject et servile prostitution de présentation. La vie, l'âme, dévotion, adoration, serf, esclave, tous ces mots y courent si vulgairement que quand ils veulent faire sentir une plus expresse volonté et plus respectueuse, ils n'ont plus de manière pour l'exprimer. Je hais à mort de sentir le flatteur, qui fait que je me jette naturellement à un parler sec, rond et cru, qui tire, à qui ne me connaît d'ailleurs, un peu vers le dédaigneux. J'honore le plus ce que j'honore le moins, et où mon âme marche d'une grande allégresse, j'oublie les pas de la contenance, et m'offre maigrement et fièrement à ceux à qui je me suis le plus donné. Il me semble qu'ils le doivent lire en mon cœur, et que l'expression de mes paroles fait tort à ma conception. À bien veigner, à prendre congé, à remercier, à saluer, à présenter mon service, et tel compliment verbeux des lois cérémonieuses de notre civilité, je ne connais personne si sottement stérile de langage que moi, et n'ai jamais été employé à faire des lettres de faveur et recommandation que celui pour qui c'était n'ait trouvé sèches et lâches. Ce sont grands imprimeurs de lettres que les Italiens. J'en ai, se crois-je, 100 divers volumes. Celles de Hannibal Caro me semblent les meilleures. Si tous les papiers que j'ai autrefois barbouillés pour les dames étaient en azur, lorsque ma main était véritablement emportée par ma passion, il s'en trouverait à l'aventure quelques pages dignes d'être communiquées à la jeunesse oisive, embabouinée de cette fureur. J'écris mes lettres toujours en poste, et si précipiteusement que, quoique je peigne insupportablement mal, j'aime mieux écrire de ma main que d'y en employer une autre, car je n'en trouve point qui me puisse suivre, et ne les transcris jamais. J'ai accoutumé les grands qui me connaissent à y supporter des litures et des trassures, et un papier sans pliure et sans marge. Celles qui me coûtent le plus sont celles qui valent le moins. Depuis que je les traîne, c'est signe que je n'y suis pas. Je commence volontiers sans projet, le premier trait produit le second. Les lettres de ce temps sont plus en bordure et préface qu'en matière. Comme j'aime mieux composer deux lettres que d'en clore et plier une, et résigne toujours cette commission à quelque autre, de même, quand la matière est achevée, je donnerai volontiers à quelqu'un la charge d'y ajouter ces longues harangues, offres et prières, que nous logeons sur la fin, et désire que quelque nouvel usage nous en décharge, comme aussi de les inscrire d'une légende de qualités et titres. Pour auquel ne broncher, j'ai maintes fois laissé d'écrire, et notamment à gens de justice et de finances. Tant d'innovations d'office, une si difficile dispensation et ordonnance de divers noms d'honneur, lesquels, étant si chèrement achetés, ne peuvent être échangés ou oubliés sans offense. Je trouve pareillement de mauvaise grâce d'en charger le front et inscription des livres que nous faisons imprimer. Fin du chapitre 39.